à tous et bonjour Loutre. Je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode 0 du JUJ. Alors cet épisode, ça va être un peu un épisode pilote. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est le JUJ, après qui suis-je, après peut-être quelques petits remerciements, et où est-ce que vous pouvez retrouver le JUJ, et peut-être quelques autres trucs vu que j'écris jamais mes épisodes. En tout cas, je pense que je vais jamais les écrire. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est le JUJ ? Eh bien, le JUJ, c'est l'abréviation de Journal d'un jeune. Et en fait, c'est un podcast dont m'est venue l'idée il n'y a pas très longtemps. Grâce à Phil et Pof, qui sont deux magnifiques Toulousains, qui ont créé une plateforme de partage et de création de podcasts, et aussi de streaming de podcasts complètement génial qui s'appelle PodCloud. Non, sérieusement, sans faire du lèche-couille, du lèche-boule plutôt, parce que, oui, voilà, pour le vrai de la vie réelle, de la réalité véritable, comme dirait l'autre. PodCloud, c'est vraiment très facile, et donc si jamais vous voulez vous lancer dans le podcast, c'est idéal. Donc, et bien, grâce à PodCloud, j'ai pu créer mon flux RSS, et j'ai décidé que je vais lancer mon podcast. Alors, de quoi ça va parler ? Eh bien, à chaque fois, s'il n'y aura rien de précis, il n'y a pas de ligne directrice. Je crois que j'aurais envie de parler de quelque chose qui m'a plu ou qui m'a déplu, à l'inverse. Eh bien, je le ferai et je publierai mon épisode. J'essaierai de faire des épisodes toutes les deux semaines, mais je ne promets rien. Donc, si vous voyez un épisode qui n'arrive pas, ne vous inquiétez pas. Il va arriver un peu plus tard. Donc, après, qui est-ce que je suis ? Eh bien, moi, je suis Harley 2001. Je suis actuellement, sans doute, le plus jeune podcasteur de toute la podcastosphère. Je suis un très grand poditeur. J'écoute pas mal de podcasts. Mon préféré reste Gamecraft, même si j'ai eu récemment un coup de cœur sur Lâchez Vos Coms, qui me paraît aussi super bien. J'adore les concepts, tout ça. Donc, et sinon, qu'est-ce que je fais? Je suis un Twitter aussi très actif. Donc, je vous dirai tout à la fin. Donc, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce que sur moi? Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire particulièrement. Alors, des remerciements, je dirais merci à Philippe Hoff d'avoir créé PodCloud, parce que c'est génial. Je dirais merci à qu'est-ce que d'autre je pourrais dire merci? Merci à moi, parce que j'ai créé ce podcast, donc voilà, je me remercie moi-même, c'est très utile. Plus sérieusement, où est-ce qu'on peut retrouver le podcast et moi-même? Le podcast, vous pouvez le retrouver bien entendu sur PodCloud, donc en tapant JUJ dans la barre de recherche. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, @JUJPDC. Vous pouvez le retrouver sur Google+, et sur Facebook. En tout cas, tous les liens seront dans la description. Je vais plutôt mettre juste la page PodCloud, en tout cas tous les liens sont sur la page PodCloud. Et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Harley2001. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, et à bientôt pour le épisode numéro 1 du JUJ. Salut tout le monde, ciao!